boîte de sommeil. La boîte de sommeil. QSM se réveille. Et après, un mois de sieste. QSM dit la messe. Après un mois de silence. QSM est en France. Après un mois de QSM à satiété. Un mois d'hibernation. QSM en gestation. Un mois de sécheresse. Et QSM se caresse. Un mois de branlette. Un mois de levrette. QSM fait pas la quête. QSM est à 7. Encore plus mauvais. Encore plus mortant. Beaucoup plus laid. Et bien plus feignant. Repère son festin. Un mois de turpitude. Et QSM a l'habitude. À coup de riff malsain. Et de riff assassin. Un mois de sécheresse. Et QSM se caresse. Un mois de branlette. Un mois de levrette. Après un mois de sommeil, QSM se réveille. Après un mois de sieste, QSM dit la messe.